comme si je les avais pas instruits. À force de la choper, elle aura les jambes arquées. Je sais pas si t'as remarqué notre chose. Moi c'est sûr, je peux pas faire autre chose. Ta pétasse dans un délire et mon cloque. Et parlez pas de club. Vous êtes des faguettes. On a plus besoin de potes. On est vraiment dans le linge. Je quatre putes dans le linge. Y'a pas de focus dans le navire. On est ravis, on a le même avis. On est bien plus tis dans le délire. Focus, yeah. Et si on pas grave, on se mettra au tennis. Et elle touchera nos pénis. Je fais du peur, je suis pas carisse. Et si on pas grave, on se mettra au tennis. Et elle touchera nos pénis. J'ai du peur, j'suis pas de carré. Je t'appelle pas dans le refrain. Elle sait que dans ma tête j'ai un grain. Dans sa chatte j'ai mis la crème. Ara, l'oson c'est la crème. Et on arrive comme un bolide. Tes potes sont bons qu'un boucham. Si je m'achète un survêt, c'est solide. L'Ajax d'Amsterdam. Nouveau jour donc faut que j'fasse monnaie. Tu dis qu'on se connaît, t'en veux tellement que t'as tout donné. Honnête, t'es pas, t'es grave paumé. Shoot le Paco dans la promenade. Comme d'hab, mes gars te passent la pommade. Braqueur masqué comme un nomade. J'ai la pommade, j'vais te calmer man. J'vais tordre comme un aimant. Oh, poteau, j'vais te faire très mal. Enquête pénale sur moi, la juge fait crêper tes couilles. Sur moi, j'vais te prendre tout le tournoi. Il fait tout noir dans la cabine. Ramène ta zine, on fait de la zig. Tout ce qui sort de la trappe, c'est magique. Mon ami, j'te laisse imager. J'espère que j'vais d'être âgé. Ton survêt détaché, j'suis sur le para. J'vais détacher, continue à te cacher. J'veux le portefeuille des gars qui mangent que cachet. À te cacher, j'veux des gars qui mangent que cachet. Je l'ai tapé pas dans le refrain. Elle sait que dans ma tête j'ai un grain. Dans sa chatte j'ai mis la crème. Ara, l'oson c'est la crème. Et on arrive comme un bolide. Tes potes sont bons qu'un boucham. Si je m'achète un survêt, c'est solide. L'Ajax d'Amsterdam. Je vais la taper pas dans le refrain. Elle sait que dans ma tête j'ai un grain. Dans sa chatte j'ai mis la crème. Ara, l'oson c'est la crème. Et on arrive comme un bolide. Tes potes sont bons qu'un boucham. Si je m'achète un survêt, c'est solide. L'Ajax d'Amsterdam. Si je m'achète un survêt, c'est solide. L'Ajax d'Amsterdam.